avec une batterie. 145. Vas-y, envoie un truc à 145. Vas-y Andy. Des doubles pédales là-dessus. moi je suis en 440. Thank you. pas mal ça, non? Regarde. Solo, pardon. Le problème c'est qu'il y en avait un qui était vachement fort hier. Un truc un peu plus classique, quoi. Thank you. Skype pour que je prenne mon portable. Envoie-moi-le sur mon mail.